Chapitre 4. Kurumba ne fit qu'un somme. Lorsqu'il s'éveilla, le soleil, dépassant les futaies du clair montois, emplissait déjà de clarté le jardin des senades où de grands tournesols étalaient leurs larges fleurs jaunes. La servante, en lui apportant son café au lait, lui apprit que Mme Christine n'était pas encore levée, mais que M. d'Ordeleu était parti de bonne heure pour la verrerie. Ce départ matinal du mari laissa Antoine sous une agréable impression. Il éprouvait une joie sourde à se sentir seul dans la maison avec Christine. Non qu'il méditât de brusquer les choses, mais l'idée seule que l'occasion d'un tête-à-tête pouvait se présenter suffisait à le remplir d'allégresse. Il procéda lentement à sa toilette, puis descendit d'un pied léger au jardin. Son premier regard fut pour la fenêtre de la chambre à coucher de son hôtesse. Rien n'indiquait que la maîtresse du logis fût éveillée. Pourtant, à travers l'entrebâillement des persiennes, on devinait que la croisée était ouverte. Le long des allées sablées, Antoine se promena en grappillant quelques grains de chasselas à la treille. Il ressentait un voluptueux émoi, en songeant que derrière les lames de ses persiennes, au fond de la chambre encore obscure, Christine reposait. Il se complaisait à se la représenter dans l'abandon d'un demi-sommeil, cheveux épars, paupières baissées, épaules et bras nus. Cette alléchante image le faisait soupirer comme un collégien. Il se surprenait, respirant les roses et les effleurants de ses lèvres pour leurrer sensuellement son imagination. Brusquement, l'un des battants des persiennes fut poussé, l'autre se rabattit à son tour contre le mur et Antoine entrevit rapidement la rondeur d'un bras nu, puis le flottement de vagues blancheurs et la croisée se ferma. Il se dit que Christine se levait enfin et poursuivit sa promenade en berçant dedans de lui l'espoir très doux de la revoir avant peu. Effectivement, 10 minutes après, la fenêtre se rouvrit toute grande et il entendit une voix limpide fredonner au fond de la chambre comme un oiseau au petit matin. La jeune femme ne paraissait pas se douter de la présence d'un promeneur dans le jardin, ou bien, si elle s'en doutait, soit par insouciance, soit peut-être par un raffinement de coquetterie, elle se comportait comme si elle eût eu la sécurité d'une profonde solitude. Dissimulée derrière un massif, Antoine la voyait passer et repasser dans le champ de la fenêtre, tantôt boutonnant une camisole blanche, tantôt peignant ses longs cheveux bruns, puis le renouant avec un joli geste des bras arrondis. À travers ces menus détails de toilette, le fredonnement s'envolait ou s'arrêtait capricieusement, et Kurumba avait l'impression d'un beau papillon d'automne qui voltige, se pose et repart, pliant et dépliant ses ailes chatoyantes. Tout cela aiguillonnait son désir et lui mettait au cœur une fondante tendresse. Une eau vive, une eau de rajeunissement, semblait sourdre au fond de lui et infuser dans son sang une virginale fraîcheur. Lui, qui en amour avait toujours été plutôt un gros mangeur qu'un gourmet, et dont les plus rustiques nourritures suffisaient à satisfaire le sensuel appétit, se sentait devenir délicatement raffiné, en songeant à la possibilité de conquérir les bonnes grâces de Madame d'Ordeleu. Tandis qu'il se délectait à la perspective de ce nouvel amour, délicieux comme un suave lever d'aube, Christine reparut à la fenêtre après avoir parachevé sa toilette. Elle était vêtue d'un peignoir rose. Une cordelière nouée à la ceinture faisait valoir sa taille souple et ressortir le modelé de sa poitrine. « Cette fois, elle va descendre », se dit Antoine avec un battement de cœur. Mais son attente fut trompée. Soit qu'elle fût absorbée par les soins du ménage, soit qu'une timidité ou un scrupule la prit à la pensée d'un tête-à-tête avec Kurumba, Madame d'Ordeleu demeura confinée dans l'intérieur de la maison, et Jean du Bois Vert dut se contenter de se promener solitairement en ruminant sa tendresse et ses convoitises. De dépit, il bourra sa pipe, l'alluma, et fumant les mains dans ses poches, se mit à tirer de grosses bouffées, tout en tournant autour des allées comme un ours autour de sa fosse. Il se remémorait les 3 brèves apparitions de Christine à la fenêtre, leur conversation de la veille sous bois, les impressions du souper, et se demandait avec émotion « Est-ce que je lui plais, ou bien suis-je le jouet d'une illusion ?» Mon désir de gagner son cœur me fait-il prendre pour des marques d'intérêt la simple curiosité d'une jeune femme qui s'ennuie de sa solitude? Et en supposant qu'elle se sente un faible pour moi, comment me comporterais-je avec elle? Pour la première fois, Antoine, si entreprenant d'habitude avec les femmes, se sentait troublé et embarrassé à l'idée de parler d'amour à Madame d'Ordelu. Ce fut en cet état mental qu'Onésime le surprit en revenant de la verrerie. Antoine était tellement enfoncé dans sa méditation qu'il n'entendit pas son camarade s'approcher. Il ne s'aperçut de sa présence que lorsque ce dernier lui tapa sur l'épaule. « À quoi diable penses-tu, mon vieux courroux ?» Antoine rougit en voyant devant lui l'ami dont il était en train de convoiter la femme et s'abstint de répondre à cette question incongrue. « Comment n'es-tu pas allé en forêt ?» continua ingénument Onésime. « J'ai dormi comme un loir et je me suis levé tard. D'ailleurs, je t'attendais. » répliqua Courouvre en mentant effrontément. « J'espérais que tu rentrerais plus tôt. »« Ce n'est pas fait tous les jours et j'ai là-bas de la besogne par-dessus la tête. Il faudrait que tu m'excuses si je t'abandonne un peu aujourd'hui. À propos, tu dois avoir l'estomac dans les talons. Et voici l'heure de manger la soupe. » En effet, on entendait au loin l'angélus de midi. Antoine fut tout étonné que le temps eût passé si vite. Au même moment, le peignoir rose de Madame d'Ordelu apparut au balcon du chalet et une voix au timbre clair cria « Allons, messieurs, à table !» Dans la salle à manger, ils furent accueillis par Christine, toute cramoisie encore de s'être penchée sur les fourneaux. Et alors Antoine comprit pourquoi la jeune femme n'était pas venue le rejoindre au jardin. Elle s'était ingéniée à fêter son hôte et avait procédé elle-même à la confection d'un dîner destiné à racheter la modestie du menu de la veille. La soupière fumante était flanquée d'une perche de l'air et d'un buisson d'écrevisses. Quand le potage fut enlevé, un poulet à l'estragon lui succéda, emplissant la salle d'un savoureux fumet. Ce zèle, déployé par Christine pour faire bonne chère à son invité, était une nouvelle marque d'intérêt, et Courouvre y fut sensible. Ses yeux cherchèrent ceux de son hôtesse. Ils les rencontrèrent et lui exprimèrent si vivement sa reconnaissance que Madame d'Ordelu en fut intimidée. Ses longs cils s'abaissèrent lentement comme pour dissimuler l'émoi que lui causait ce regard, encore plus imprégné d'amour que de gratitude. Les travaux de la matinée avaient donné à Onésime un violent appétit. Tout en mettant les morceaux doubles, il dit à son camarade « Tu sais, j'ai raconté à monsieur de Danlou que je t'avais rencontré. Le patron s'est beaucoup informé de toi et m'a prié de t'amener à la verrerie. Pas aujourd'hui, par exemple, car nous sommes dans notre coup de feu. Les ouvres aux flambes et nous commencerons tantôt à souffler la bouteille. Je serai même obligé de dîner aux Ilettes et d'y rester une partie de la nuit. Tu ne m'en voudras donc pas, mon camarade, si je te fausse compagnie ce soir et si je laisse à Christine le soin de te distraire. Ça m'ennuie joliment de ne pas passer ma soirée avec vous deux, mais quoi, la besogne avant tout, n'est-ce pas ?» Pendant ce discours, Antoine examinait Madame d'Ordelu à la dérobée. Il constata que dans les yeux de son hôtesse, une lueur de satisfaction courait sous les cils comme une soleillée à travers bois, et il en conclut que l'absence de son mari ne lui causait nullement le déplaisir auquel celui-ci s'attendait. Antoine lui-même, d'ailleurs, tout en s'efforçant de rester impassible, éprouvait une joie intérieure à la pensée de souper en tête à tête avec Madame Christine. Loin de le chagriner, cette perspective lui donna jusqu'à la fin du repas un revif d'entrain et de gaillarde humeur, et il se montra très tendre pour son camarade. « Voilà qui est fâcheux, s'écria-t-il, mais ne te mets pas en peine de moi, mon brave. Je trouvais toujours à m'occuper. D'ailleurs, je te ferai la conduite tout à l'heure jusqu'à la verrerie, et tout en cheminant, nous taillerons encore un brin de Cosette. » Quand on eut enlevé le dessert et pris le café, les deux amis se levèrent. Comme Courouvre allait bourrer sa pipe, Onésime l'arrêta et tirant d'un étui en paille deux cigares très secs. « Non, laisse ta pipe et goûte-moi ça. Ce sont des Havanes de monsieur de Danlou. Il me les a offerts un soir, oubliant que je ne fume plus, et je les avais mis de côté. C'est toi qui les dégusteras. Maintenant, en route. Je ne suis pas en avance. » Il prit Madame d'Ordelu par la taille et la baisa au front. « À demain, ma bonne amie, car lorsque je rentrerai au petit jour, tu seras en train de dormir. » La jeune femme lui glissa lestement d'entre les bras, puis elle se retourna vers Courouvre et lui tendit la main. « À bientôt, monsieur, » murmura-t-elle en lui coulant un caressant regard. Une fois sur la route, Onésime prit le bras de son amie et après un dernier signe d'adieu à l'adresse de Christine, ils marchèrent gaillardement dans la direction des îlettes. Le vin d'Arbois avait rendu Dordeloup plus loquace. Un attendrissement mouillait ses gros yeux ronds. « Hein, quelle bonne femme que la mienne » disait-il en haussant sa grosse figure poupine vers le mâle et distrait visage de Courouvre. « As-tu vu comme elle avait bien arrangé son petit dîner ? Comme tout était bien choisi et cuit à point ? Elle avait préparé ça elle-même, aidée uniquement par sa petite bonne qui n'a pas la moindre initiative. On cherchera loin aux entours pour trouver une femme qui ait son imagination, son esprit et son cœur. « Certes, » acquiesçait chaleureusement Antoine, « Madame Dordeloup est charmante. Oui, charmante et aussi excellente que belle. Quand je songe à toutes ses qualités, je m'étonne toujours d'avoir été assez chanceux pour l'épouser. Car enfin, c'est une noble, une belle rube de Lille, et généralement les filles de Verrier répugnent à se marier avec des roturiers de mon espèce. Bon, ta femme est trop sensée pour donner dans ces préjugés-là. D'ailleurs, toi aussi, tu es plein de belles qualités. » répliqua Courouvre, s'efforçant aimablement de combler avec de bonnes paroles le fossé profond qui séparait un homme comme Dordeloup d'une femme comme Christine. En fait de qualité, j'essaie d'aimer ma femme de tout mon cœur. Oh ça, oui, je l'adore. Je me mets en quatre pour lui faire la vie douce, pour qu'elle s'aperçoive le moins possible de la médiocrité de notre position. Je ne veux pas qu'elle ait à rougir de moi devant les gens de ce monde ou qu'elle regrette de m'avoir épousé. Aussi je trime pour lui procurer les petits plaisirs et les satisfactions d'amour-propre qu'elle avait dans sa famille. Ah, dame, au commencement, il y a eu du tirage. À mon arrivée à la verrerie, je ne gagnais que 2 500 francs. Au prix où est le beurre, ce n'était pas commode d'équilibrer notre budget. En ce temps-là, pourtant, Christine désirait une robe de soie noire. Elle en rêvait la nuit et m'en parlait à chaque repas. À force de rogner un peu sur tout, je suis arrivé à acheter cette robe de faille qui coûtait gros. Tiens, c'est alors que je me suis déshabitué de fumer. Ça a été dur, mais le jour où j'ai apporté ma femme le coupon dans un carton ficelé de ruban rose, quelle joie! Christine dansait autour de la table, elle me sautait au cou et m'embrassait comme du pain. Elle vous a des cajoleries et des chatteries si embobinantes qu'on ne regrette pas son argent. Ah oui, c'est délicieux de posséder à soi tout seul une petite femme qui vous aime bien. Bref, tu devras te marier. Courouvre était touché des naïves expressions de tendresse de Dordeloup, mais en même temps, la façon dont ce mari détaillait son bonheur conjugal l'agaçait et l'irritait. Je ne sais quel démon le poussa à jeter un peu d'eau froide sur l'enthousiaste félicité de son camarade. Oui, objecta-t-il, tout ça est bel et bien, mais moi, vois-tu, mon vieux, j'ai horreur d'être l'esclave d'une habitude, même quand elle est bonne. Il en coûte trop ensuite de se désaccoutumer d'être heureux. Si excellent que soit un mariage, il peut venir à la traverse un tas de choses qui bouleversent notre petit train-train. Suppose qu'un événement quelconque te sépare de ta femme. Dans la vie, il faut toujours s'attendre à ce qu'une tuile vous tombe sur la tête, une querelle de ménage, une maladie ou pire encore. Il achevait à peine qu'il fut effrayé par la subite altération des traits de son camarade. Dordeloup pâlissait, une angoisse lui montait aux yeux, et sa main se crispait sur le bras de son compagnon. « Ne dis pas ça, » murmura-t-il, « tu me donnes le frisson. Il ne faut jamais parler de ces choses-là, ça porte malheur. Me retrouver seul au monde, non, je ne pourrais pas. Après ce que tu sais de notre intérieur, après cette bonne vie à deux dont je te parlais, me vois-tu sans Christine ? La maison vide, ma femme disparue. Mais je n'aurai plus de goût à rien, et je ne demanderai plus qu'à être enterré tout vif. Tu n'imagines pas quelle place énorme elle tient dans mon existence. Quand je suis en plein tracas, à la verrerie, je pense à Christine, et ça me rend du courage. Quand je vais aux îlettes, aux senades, par la pluie ou la neige, je songe que je retrouverai ma femme au coin de notre feu, et ça me tient chaud au cœur et partout. Elle m'est aussi nécessaire que l'air respirable. Elle est la chaleur de mon sang. Sans elle, je ne serais plus qu'un mannequin, une loque, bonne à laisser au coin d'une bonne. Il me semble qu'avant de l'avoir, je n'avais pas vécu. Elle partie, il ne me resterait plus qu'à me jeter à la bième. L'émotion de Dordeloup était navrante. De grosses larmes roulaient dans ses yeux, et une sueur froide lui mouillait les tempes. Courouvre en eut pitié. L'accent de poignante désolation avec lequel Onésime parlait de la possibilité d'être séparé de sa femme pénétrait peu à peu le cœur d'Antoine. Sa native bonté reparaissait, et un remords le prenait à l'idée de troubler la quiétude de ce pauvre diable, qui était si peu égoïste et dont le confiant amour conjugal faisait toute la joie. L'humble dévouement d'Onésime, la confiance qu'il avait de son peu de prestige, la naïve tendresse qui éclatait dans ses moindres paroles, remplissaient de compassion Jean du Bois Vert, et réveillaient en lui certaines cordes généreuses longtemps endormies. Il frappa amicalement sur l'épaule de son camarade. « Allons donc, mon vieux, » reprit-il de sa bonne voix cordiale, « ne fais pas l'enfant. Tu vois bien que je plaisante, tu es heureux, tu mérites de l'être, et tu le seras longtemps. C'est pour les hommes de cœur et de bonne volonté comme toi que le bonheur doit durer, sans quoi il faudrait douter de la Providence. » À ce moment, Courombre était sincère, et comme on arrivait en vue des îlettes, il corrobora ses paroles par une loyale poignée de main, après quoi ils se quittèrent. En sortant des Senades, Antoine, très allumé à la perspective d'un long tête-à-tête avec Madame d'Ordeleux, s'était bien promis de regagner le chalet d'Ardard dès qu'il aurait reconduit son ami jusqu'à la verrerie. Maintenant, loin de rebrousser chemin vivement, il ralentissait le pas et ressemblait à un écolier qui médite de faire l'école buissonnière. Au lieu de suivre la route, il prit sur la gauche un sentier qui filait sous bois et allongeait considérablement le trajet. Il lui semblait encore entendre bourdonner à ses oreilles les touchantes confidences d'Onésime. Il était troublé et perplexe. Certainement, en son fort intérieur, il estimait que le brave garçon se leurrait sur l'amour qu'il croyait avoir inspiré à sa femme. Mais il avait honte de tromper cette imperturbable confiance. Comme un vent léger qui s'élève sous bois et peu à peu agite la forêt tout entière, des scrupules naissaient en lui et mettaient ses galantes résolutions en désarroi. Il ne trouvait plus ce bel aplomb insouciant qui assurait d'ordinaire son triomphe auprès des cœurs féminins. S'il se fût agi de la femme d'un gros bourgeois suffisant et fier de ses écus, il n'eût pas hésité un instant à lâcher bride à sa passion. Mais tromper ce naïf et modeste Onésime, qui avait logé innocemment tout son bonheur, tous ses rêves d'avenir dans le fragile édifice du mariage, cela lui semblait une action aussi laidement avilissante que de donner une pièce fausse à un pauvre. Cette lutte intérieure l'absorbait si totalement qu'après de longs détours, il se trouva, sans s'en douter, juste en face du hameau des Senades. La bruyante envolée d'une compagnie de perdreaux qui prenait son essor dans les étoiles lui fit instinctivement lever la tête et il vit, au bas des champs, se profiler en pleine lumière le chalet d'Ordeleux. La maison semblait dormir, persienne close, dans le brasillement du soleil. L'élégante forme de Christine, drapée dans l'étoffe souple du peignoir rose, se dressa soudain dans l'imagination d'Antoine. Il se la représenta nonchalamment assis sous le divan de la salle à manger et s'étonnant de ne point le voir venir. Elle l'attendait sûrement, car au départ il avait deviné, dans la pression de sa main, un encouragement tacite. La façon engageante dont elle lui avait dit « à bientôt » était une timide invitation à ne pas la laisser trop longtemps seule. Tout en s'apitoyant sur Onésime et en se promettant de ne pas trahir son ami, Courouvre, maintenant, coupait à travers les étoiles et dévalait pensivement sur la grande route. Au bout de 10 minutes, il atteignit la clôture du chalet et, poussant doucement le battant de la grille, il gravit les marches du perron.